Je n'ai pas cherché encore à te remplacer. J'ai erré ça et là, tu sais. J'ai beau essayer, tu m'as laissé tout seul à l'aube de ce jour. Chaque matin qui arrive me rappelle ton amour. Tu as laissé ton empreinte là, tout autour de moi. Le plus commun des objets se souvient de toi. Perdu sans lumière, ni point de repère, je suis en enfer. Chaque jour déchire plus mon cœur, privé de bonheur. Ta présence près de moi. Est-ce que tu me vois? Je te parle comme si tu étais là. Oh mon amour. Allez, réponds-moi. J'attends que la nuit tombe pour venir te chercher, gagner un autre monde, autre réalité.